Bonjour et bienvenue à CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX originellement diffusées à Assemblage Rock. Cette semaine, on compresse les chroniques de la semaine du 28 novembre. Parmi nos sujets, Google ne suggère plus RapidShare et BitTorrent. La compagnie Durex dérape sur une blague sexiste sur Twitter. Les chercheurs développent un logiciel de détection automatique des photos retouchées. Et la pause pipi interactive. Tout ça en plus des nouveautés en magasin cette semaine et de notre semaine des chansons connues version chiptune. Mais on commence à l'instant avec la chronique de lundi. Lundi. Votre bulletin geek pour la journée du lundi 28 novembre 2011. On récapitule les nouvelles de dimanche, samedi, vendredi, jusqu'à jeudi dans la journée. Ouais. Pardon, ça va? Parfait. Donc, Google ne suggère plus RapidShare et BitTorrent. Non. Au cours du mois de septembre, Google a supprimé de son index le site Allo Show TV. Désormais, même si ça ne ressemble pas encore à du filtrage, certaines suggestions ne sont plus proposées, dit l'article de branchezvous.com. Avec la fonction d'auto-complétion, lorsque l'utilisateur écrit une recherche, les thèmes suggérés apparaissent au fur et à mesure qu'ils sont saisis. Déjà, le célèbre moteur de recherche écarte de sa fonction certains mots-clés liés au téléchargement illégal depuis le début de l'année. C'est par exemple le cas de RapidShare. Le site n'est en effet plus suggéré et n'apparaît que quand toutes les lettres ont été saisies. La liste des expressions qui sont ainsi mises sur la liste noire vient de se voir enrichir de nouveaux sites. On peut remarquer que des sites de référence pour le téléchargement comme BitTorrent en font désormais partie, tout comme SumoTorrent, KickassTorrent, un de mes préférés en c'est vrai, j'adore. Pourquoi? Et ça va vraiment bien. Ouais. KickassTorrent, c'est vraiment génial. ExtraTorrent ou encore BitTimon. Pas de panique pour le moment, puisque les sites ne sont pas disparus de l'index de Google, comme ce fut le cas en septembre avec Allo Show TV et Allo Streaming, là, qui permettaient de regarder des émissions en streaming sans les télécharger. Ils sont en effet toujours présents dans les résultats du moteur de recherche. Bien sûr, on peut se poser la question de la légitimité d'une telle action, étant donné que la justice ne l'avait pas demandé, surtout que plusieurs sociétés comme RapidShare sont tout à fait légales en tant que telles. Je veux dire, les gens s'en servent illégalement, mais c'est en tant que tel tout à fait légal. Alors, en tout cas, il est certain que les industries du cinéma et de la musique apprécieront ce geste de la part de Google. L'entreprise a d'ailleurs affirmé à Torrent Freak qu'avec la disparition de certains termes dans son algorithme d'autocomplétion, le téléchargement illégal diminuait. Mais ceux qui veulent vraiment y aller, est-ce qu'on a vraiment besoin? Moi, j'ai pas besoin de Google pour aller sur KickAss Torrent. Non, c'est sûr. C'est dans mes favoris, mais ceux qui les connaissent pas encore vont pouvoir chercher d'autres termes qui vont les mener vers des blogs qui, eux, vont pointer vers les bons sites de toute façon. T'sais, si tu veux commencer ça, t'entends BitTorrent, tu te mets à chercher, c'est pas long à trouver. Non. Google, parlant toujours de Google, ils veulent que les manettes fonctionnent dans votre navigateur. Que les manettes? Les manettes de jeux PC. Donc, lors de la conférence Develop, Paul Kinlin de Google a indiqué que la compagnie veut permettre à des manettes de fonctionner dans Google Chrome. Le navigateur web ajoutera ainsi le support de webcam, de microphone et de la communication vocale. Ces ajouts permettraient notamment d'améliorer le jeu via navigateur web. L'objectif est d'offrir ces nouvelles applications au début de 2012. Bonne nouvelle. Tu joues un petit jeu flash, tu pourrais... Formidable. C'est gauche-droite, là, tu peux programmer ça. De toute façon, les gens l'ont déjà, la manette. C'est ça, ceux qui ont tendance à jouer. Exactement. Excellent. Toujours dans le domaine de Google. Cette fois-ci, on parle de navigateur. Par contre, Google est partout, donc à un moment donné, c'est normal que ce soit un sujet chaud. Pour la première fois depuis un peu moins de 3 ans d'existence, Chrome, le navigateur de Google, passe devant Firefox pour devenir, selon StatCounter, le principal concurrent d'Internet Explorer. Peux-tu croire ça? C'est la vérité même. Oui. Ce qui devait arriver, Firefox n'est plus le principal challenger d'Internet Explorer, selon l'article de CNET France. Sur le marché des navigateurs, selon les derniers chiffres de StatCounter, Chrome, le navigateur de Google qui menaçait déjà depuis quelques mois celui de Mozilla, est en effet passé à 25,68% de part de marché fin novembre contre 25,21% pour Firefox. C'est pas très très loin, 25,68%. C'est un exploit pour Google qui compte déjà 200 millions d'utilisateurs dans le monde. Je sais pas s'il parle de gens qui ont... c'est sûr que là, c'est avec des statistiques de ça. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, ça aurait pu être téléchargement. Ça m'aurait été comme... Bon, tout le monde télécharge Chrome, je l'ai moi-même sur mon ordi, je m'en sers pas. Mais non, on parle vraiment de gens qui l'utilisent. Ils affirment donc comme numéro 2 des navigateurs derrière Internet Explorer et tout ça en un peu moins de 3 ans d'existence. Explorer reste largement devant et reprend même un peu de poil de la bête avec 40,46% de part de marché en hausse de 0,28 points par rapport à octobre. Derrière le trio de tête, Safari et Opera peinent à exister, ils ne progressent pas à respectivement 5,91 et 1,82%. Opera fait peut-être. Ouais. Mais Safari, c'est seulement sur les Mac et sur les PC aussi. Mais sérieusement, tu sais, quand on dit... Safari sur l'iPhone, l'iPod, ce truc-là... C'est ça, c'est populaire. C'est ça, tout à fait. C'est pas mal le plus populaire. Ouais. T'as pas pas joué. Mais c'est ça, donc je dis c'est disponible sur PC, mais est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà utilisé Safari plus qu'une fois sur PC? C'est pas... non. Non, je sais pas. Quelque chose de répandu. Mais bon. Prochain sujet, parlons de téléphone cellulaire. Tu parlais d'iPhone il y a deux secondes. Les opérateurs américains intègrent un logiciel de statistiques et d'analyse dans leur téléphone qui ressemble à s'y méprendre au comportement d'un programme espion. Un chercheur américain a mis en lumière la pratique de certaines, certains opérateurs de téléphonie américains qui intègrent un logiciel de statistiques plutôt indiscret. Édité par Carrier IQ, le programme permet de récupérer les informations sur l'historique des sites visités, les applications installées ou encore les frappes de clavier. Les gens de chez businessmobile.fr relatent l'information et indiquent que Trevor Eckhart, déjà à l'origine de la découverte d'une autre faille en octobre dernier, a mis le nez dans la documentation de la société Carrier IQ, découvrant que de nombreuses données étaient collectées puis compilées sur un site accessible aux opérateurs seulement. Interrogé par CNET, un des opérateurs mis en cause n'a pas donné de détails sur la nature réelle des informations collectées. Pour eux, il s'agit seulement d'un moyen d'améliorer le fonctionnement de leur service. Oui, pour l'instant. Ça pourrait être vendu plus tard, ça. Une justification qui rappelle celle donnée par Facebook. Ben oui, très bon point. Pour expliquer le placement des cookies de pistage sur ses membres et visiteurs. Encore une fois, cela est fait sans informer clairement l'utilisateur et semble-t-il pour certains smartphones sans possibilité de désactiver cette fonction-là. Donc, l'affaire pourrait-elle représenter une menace pour la vie privée des utilisateurs de mobile? Une inquiétude de plus provenant d'une source plutôt inattendue à l'heure où d'autres questions sur la sécurité des smartphones font débat. C'est via CNET France. Donc, sur ton téléphone, tu auras un petit logiciel qui permet aux compagnies, aux fournisseurs... Aux frappes de clavier, ça me surprend quand même. C'est ça. Ça, ça, ça fait, va loin. Ils peuvent savoir exactement ce que tu écris, nous. Donc, le numéro de carte de crédit, mais tu sais, ça, ils l'ont déjà, on s'entend. Ouais, mais... Il pourrait les revendre. Non, c'est... Ouais, ben, c'est touché. Hein. C'est touché comme sujet. Oui, il peut avoir des fuites, pas nécessairement des revendre, mais... Non, c'est ça. Un peu comme, mettons, le PlayStation Network, il y a quelques mois, qui avait eu le gros bug et tout ça. Burslack! Et Burslack, hein? En vrai. Donc voilà pour cet article-là. Parlons d'un concept maintenant qui n'existe pas encore, mais qui est vraiment très intelligent. C'est une clé USB modulable pour organiser ses fichiers, François. Toujours à la pointe pour présenter d'intéressants concepts, le site Yanko Design met en avant une clé USB, une idée de clé USB modulable à volonté pour organiser différemment le stockage de données. Techniquement parlant, il ne s'agirait d'ailleurs pas d'une seule clé, mais de plusieurs. Tu vas voir l'article sur assemblagerequis.com, tu vas voir le look de tout ça. Donc, l'objectif de la clé est de permettre de stocker des données sur une partie spécifique de l'espace disponible pour l'isoler au besoin à la façon d'une partition de disque dur. Par exemple, il serait possible de prêter la clé en conservant la partition sur laquelle sont stockées des données sensibles, chaque partition étant stockée sur une partie modulable de la clé. Donc, littéralement, c'est des petites clés qui ressemblent à des adaptateurs de souris, là, et ils se branchent les unes dans les autres. Donc, ça fait une grosse clé USB, mais qui apparaît sous plusieurs partitions, un peu comme un disque dur où tu aurais bon, ton C que Windows et ton D que tes données. Donc, vraiment, tu pourrais avoir seulement, mettons, des photos sur une des parties, seulement des MP3 sur l'autre, et tu prêtes seulement la partie que tu veux prêter, des logiciels, mettons. Après ça, tu la remets dedans, puis ça redevient une partition. OK. Non? Ouais. Excellente idée, je trouve. Juste une partie de clé USB à prêter. Donc, c'est pas la première fois qu'un concept de clé équipé de plusieurs supports de stockage voit le jour. On proposait la collector USB flash drive qui mettait des cartes micro SD dans une des fentes de la clé USB. Mais bon, pour le moment, cette clé n'est pas destinée à être fabriquée et commercialisée, mais elle pourrait tout de même attirer l'œil d'un fabricant. On peut imaginer que couplé à un système de chiffrement, un tel support de stockage pourrait avoir un intérêt pour les entreprises, comme pour les particuliers férus d'organisation numérique. Moi, évidemment, j'aime bien le système des dossiers. Pour moi, c'est bien en masse d'avoir des dossiers sur ma clé. Mais quand même, si tu veux pouvoir juste prêter un dossier sans avoir à le transférer sur une autre clé, et en plus, si tu veux pouvoir facilement perdre ces parties clés-là parce que c'est vraiment tout petit, ouais, c'est sûr. C'est sûr que tu perds ça. Tu as de la misère à garder ton capuchon de clé USB safe pendant plus d'une semaine. Moi, je vois pas l'utilité. Mais en tout cas, pour moi, là, ouais. Mais tu pourrais en avoir une, mettons, qui serait protégée. Tu pourrais la prêter, puis quelqu'un pourrait jamais les draguer ailleurs ou pourrait juste s'en servir pour quelque chose sans avoir à les. Sans pouvoir les copier, je sais pas. Ouais. Mais c'est pas comme si c'était cher non plus, une clé USB. Non, il y a ça. Ça, c'est un bon point. À la limite, si je veux pas que tu aies accès à mes dossiers, bon, écoute, j'ai transfert et je cache ma clé USB. T'as raison. Une idée, c'est il y a des clés USB qui se barrent aussi. Ben, faudrait essayer le logiciel dessus, j'imagine. Okay. Peut-être qu'il y en a qui se barrent automatiquement dessus. Peut-être que ça vient avec certains. Une autre idée que tu vas peut-être aimer, celle-là, transformer un vieux moniteur LCD en écran parfait pour la vie privée. Donc, empêcher son entourage de voir ce qu'on affiche sur son écran d'ordinateur en partant de lunettes magiques. Un concept étonnant réalisé par un bricoleur qui dévoile sa méthode sur Internet. Un vieux moniteur LCD et une paire de lunettes 3D à usage unique distribuées au cinéma. Tu sais, quand tu vas voir un film, il te donne ça. Okay. Donc, c'est les ingrédients utilisés pour obtenir cet écran protecteur de vie privée. Donc, pour commencer, ce dernier n'affiche rien d'autre qu'un écran lumineux blanc. Ça laisse entendre un dysfonctionnement, donc il a l'air de pas fonctionner. Et donc, le moniteur n'a plus de filtre polarisant. Dans le fond, c'est qu'il enlève le filtre polarisant de l'écran. Donc, le bricoleur Dimovi, à l'origine de la trouvaille, explique qu'il a ouvert l'écran pour en prélever le filtre polarisant. Il a utilisé ce dernier sur la monture de la lunette. Donc, il est impossible de percevoir ce que l'écran affiche à moins de porter ces lunettes-là. Le résultat présenté en vidéo sur assemblagereki.com est absolument bluffant. Il met en effet toutes les activités de l'utilisateur à l'abri des regards indiscrets, mais limite cependant le partage d'informations, à moins de concevoir plusieurs paires de lunettes. Le concepteur de cet écran est très privé, détaille toute la marche à suivre sur son site, en fait sur le site Instructables, et explique que cette dernière est à la portée de tous avec un peu de matériel et de doigté, car il faut préserver au mieux le filtre polarisant. La manœuvre nécessite également le sacrifice d'un écran LCD qui n'affichera plus jamais votre travail comme avant. Oh wow! Mais pour un bureau, avouons que l'idée est pas si moche. Je sais que c'est, pour les lunettes, c'est peut-être pas une très très bonne idée. Peut-être, les lunettes, c'est peut-être un petit peu gossant. Ouais. Je sais pas, hein? Je sais pas. Ok. En même temps. Qu'est-ce qu'il y a de si top secret? L'FBI, François. Ouais, Area 51. Ouais, mais... Bon. Ah, les gars. OK. On avance. Il nous en reste encore quelques-unes. Apple qui retire de son App Store le système de jeu par abonnement. On en parlait la semaine passée. Donc, dans l'émission, dans la chronique Cynix. Apple avait accepté un système de jeu par abonnement, mais voilà que la firme fait marche arrière. Après avoir approuvé dans un premier temps plusieurs titres de l'éditeur Big Fish Games, les équipes de validation de l'App Store d'Apple les ont retirés. Ces titres utilisaient un système d'abonnement à 7$ par mois, sans lequel il était impossible d'accéder au jeu. S'agit-il d'un changement de politique ou d'une simple erreur? Il y a de grandes chances que ce soit plutôt la dernière option. Le modèle mis en place par Big Fish Games exige une connexion obligatoire pour pouvoir jouer, ce qui ne change rien à la marge d'Apple qui engrange ainsi 30% de commission comme d'habitude, mais il semblerait que la marque veuille à tout prix garder le contrôle vis-à-vis du contenu des applications en question. On va donc vous tenir au courant si ça revient ou pas le système de location. Évidemment, je ne lis même pas cet article-là tellement on en parle à chaque année, c'est jamais vraiment intéressant. Je vais juste lire le premier paragraphe. Le plus récent rapport de BMO Perspectives 2011 démontre que 46% des consommateurs vont aller sur Internet pour acheter leur cadeau des fêtes cette année comparativement à 41% l'année dernière. Ça augmente. Ça augmente et c'est ça la nouvelle. Grosse surprise. Ouais. Kinect qui va obéir à la voix au début du mois de décembre. Mise à jour? Mise à jour, exactement. À compter du 6 décembre, après une simple gratuite mise à jour, les possesseurs d'une Kinect capteur de mouvement pour la console Xbox 360 auront accès à la reconnaissance vocale. Accéder à un film, en choisir un à la demande, toutes ces actions se feront en parlant à la console. En plus de l'intégration de la commande vocale, l'interface sera remaniée avec la mise à jour. On sait tous, ceux qui suivent les activités technologiques, là, savent que l'interface de Xbox Live et de votre Xbox va changer complètement à partir du 6 décembre. Donc, le même jour, l'interface et la reconnaissance vocale vont arriver. On connaissait la date depuis quelques semaines déjà. Donc, de nouvelles applications de divertissement feront leur apparition comme Allociné, YouTube, Dailymotion et MSN Videos. D'autres applications viennent s'ajouter à l'ensemble. Stockage des sauvegardes et profil live sur le cloud. Dans le nuage, système de balises pour indiquer à ses amis les jeux auxquels le joueur souhaite jouer et partage instantané sur Facebook. Excitant pour toi, t'as une Xbox? Non, pas vraiment. Ouais, mais YouTube, tu dis? Ouais, application YouTube directement dans Xbox. Ça, c'est cool. Ouais. D'autres rumeurs par rapport au prochain Xbox, ça continue de plus belle. Cette fois-ci, Digital Foundry affirme que deux versions du prochain Xbox seront lancées. La première serait plus dépouillée et elle s'adressait davantage à un public casual, donc les petits gamers là, de salon tranquille qui ne jouent pas souvent. Donc, il n'y aurait pas vraiment, je ne sais pas si il y avait une histoire de petits disques durs ou peut-être même pas disques durs, peut-être juste une mémoire flash, mais tu sais, pas de lecteur, rien de vraiment fancy du tout. Pas cher, donc. La seconde serait une console complète avec lecteur optique, disque dur, rétrocompatibilité, évidemment un prix plus élevé. Dans les deux cas, la technologie Kinect va être intégrée même pour la casual. Digital Foundry parle de quelques autres rumeurs. D'abord, le site pense que 2012 est trop tôt comme date de lancement. Oh. Ensuite, on fait référence à un processus graphique à double cœur. Donc, tout ça à prendre avec un grain de sel, on est au courant, comme tout. Xbox Live qui a été piraté. Selon Microsoft, une attaque via phishing a permis à des pirates de dépenser des points pour acheter des extensions de jeux à l'insu des milliers d'abonnés au Xbox Live. Après Sony et le PSN, c'est au tour de Microsoft d'être victime d'une tentative de piratage. Des milliers d'abonnés au Xbox Live ont constaté des prélèvements sur leur compte avec des achats de points ne les concernant pas. C'est de Sun qui avait révélé cette affaire par une attaque extérieure comparable à celle du PlayStation Network. D'après The Guardian, Microsoft aurait déjà remboursé les victimes de l'attaque. Une nouvelle version, comme on dit, de Xbox Live est attendue pour le 6 décembre. Peut-être que les pirates vont profiter de l'occasion pour hacker encore plus. Ouais, ça se peut. Et dernière nouvelle, la PS Vita qui va permettre de jouer avec les jeux PlayStation 3. C'est via une connexion à distance avec la PS3 que les jeux pourront être lus sur la console PlayStation Vita, la nouvelle PSP, la nouvelle console portable. Très bientôt. Ça va être en février 2012. La nouvelle console PlayStation Vita disposera de son propre catalogue de jeux. D'ailleurs, Sony a récemment confirmé la disponibilité de titres comme Uncharted Golden Abyss, Wipeout 2048, Reality Fighters, Top Darts, un paquet de jeux dès le début. Mais comme la PSP qu'elle remplace, la PS Vita devrait pouvoir faire fonctionner d'autres jeux via une connexion à distance. Cependant, là où cette fonction est limitée sur la PSP à des jeux de la PlayStation 1 et du PlayStation Network, elle devrait être étendue avec la Vita à des jeux PlayStation 3. C'est ce qu'affirme Eurogamer, les jeux qui seraient en petite définition, en moins bonne qualité évidemment. Les boutons manquants de la PS Vita par rapport à la manette de la PS3 seraient reproduits directement sur l'écran parce qu'on sait que ça va être tactile la PS Vita. Donc on reste à voir si ça va être ergonomique tout ça et si ça va être vraiment le cas. On verra. Voilà pour la chronique CNX. On l'a dit plutôt dans la chronique que c'était la semaine des chansons connues version chiptune. Oh! Ouh! C'est là que ça se passe. Oui, donc on écoute ça. Et puis, vous allez tous la reconnaître. Après ça, ben, on va dire c'est quoi. C'est... à CNX. Vous la reconnaître très bientôt, j'en suis sûr. MGMT. Tu l'as déjà? Elle était fort! CNX.com. Après la pause, les chroniques de mardi et jeudi à CNX.zip. CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. De retour à CNX.zip, émission la plus geek de la radio, où on compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans Rassemblage Requis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les notes de l'émission et les balados diffusion sur rassemblagerequis.com. Mardi. Votre bulletin geek pour ce mardi 29 novembre 2011. Commençons avec Facebook. François-Olivier. Oh! Toi qui aimes ça, Facebook. Ah, j'adore ça. Qui n'aime pas Facebook? Moi, en ce moment. Je trouve qu'ils sont vraiment imbéciles, mais c'est pas grave. Hey, sérieux, mais je pense que je t'avais de fermer tout ça. Mais sérieusement, c'est-tu... Oh. Non, mais c'est n'importe quoi, là. Tu peux plus rien faire là-dessus. Oh. C'est une prison, cette affaire, là. André. Que veux-tu? Donc, Facebook prévoit s'introduire en bourse. C'est la prochaine étape logique pour eux. Le site Internet de socialisation Facebook vise une date entre avril et juin pour son introduction en bourse, affirme lundi le Wall Street Journal sur son site Internet, citant des sources proches du dossier. Les dirigeants de Facebook mènent actuellement des discussions internes sur le meilleur moment pour enregistrer auprès des autorités américaines des marchés leur projet d'introduction boursière la plus attendue du moment. Ils pourraient le faire avant la fin de l'année, même si le PDG du site, Mark Zuckerberg, n'a pas encore arrêté sa décision. L'entreprise aux plus de 800 millions d'usagers espère lever quelques 10 milliards de dollars au cours de cette introduction en bourse. 10 milliards de dollars. Milliards. Qui pourrait valoriser Facebook à plus de 100 milliards de dollars, même si cette levée de fonds dépendra de l'état des marchés financiers, ont poursuivi ces sources citées par le quotidien financier. On s'entend que ces 100 milliards de dollars-là, ils proviennent de où? Entre autres de vous autres. Hein? En étant des personnes dessus qui regardent des publicités. Le directeur financier de Facebook, David Ebersman, mène des discussions avec les banquiers de la Silicon Valley sur l'opération, mais n'a pas encore décidé lesquels l'organiseraient. Un porte-parole de Facebook, joint par l'AFP, s'est refusé de tout commentaire, ou à tout commentaire, sur les spéculations sur une introduction en bourse. Début novembre, Zuckerberg, interrogé sur la chaîne de télévision américaine PBS, avait estimé que l'entrée en bourse du groupe était nécessaire et équitable pour rémunérer investisseurs et employés, mais il n'a fixé aucune échéance. En bref, maintenant, rendre ça bref parce que l'article est très très long. Je vous invite à aller le lire sur assemblagerequis.com. Mais les internautes canadiens sont poursuivis finalement pour le téléchargement de The Hurt Locker. Tu te rappelles, des mineurs. Capable d'inculper des internautes américains et anglais pour avoir téléchargé son film The Hurt Locker ou des mineurs par le protocole BitTorrent, le studio américain Voltage Pictures débarque au Canada, menaçant à leur tour les internautes québécois de poursuites judiciaires s'ils ne paient pas immédiatement la somme de 1 500 $ chacun. La semaine dernière, le cabinet d'avocats Goudreau, Gagé et Dubuc, a été mandaté afin d'envoyer une lettre de mise en demeure à près d'une trentaine d'internautes québécois. En septembre, Voltage Pictures a obtenu de la Cour fédérale une ordonnance enjoignant aux fournisseurs d'accès Bell, Cogeco et Vidéotron de lui fournir l'identité de 30 de leurs clients qu'ils soupçonnent avoir enfreint son droit d'auteur. Ceux-ci ont été identifiés à partir de leur adresse IP, l'adresse Internet de leur modem, que leur ont fourni les trois entreprises afin d'accéder à Internet. C'est la même méthode utilisée par le studio américain aux États-Unis et au Royaume-Uni, où plus de 25 000 poursuites du même genre sont déjà en cours. Dans ces deux pays-là, aucune poursuite ne s'est encore réglée en faveur de Voltage Pictures. Donc, allez lire le reste de l'article sur assemblagerequis.com, quand même un sujet assez important, mais très, très long à lire. Parlons de Siri de Apple sur les iPhone 4S qui réussit à faire démarrer une voiture. Un développeur américain a réussi à détourner l'usage premier, le principal de Siri, l'assistant vocal intelligent incorporé à l'iPhone 4S par le biais d'un petit programme facilitant l'ouverture des portes de sa voiture ou le démarrage de son moteur à distance, ce qui ouvre bien sûr des champs infinis dans l'utilisation des commandes vocales. Pour mener à bien son expérimentation, Brandon Fickett s'est doté d'un serveur alternatif en lieu et place de celui d'Apple. Elle a également utilisé un module Viper Smart Start, d'ordinaire utilisé avec l'application du même nom, placé dans sa voiture, permettant l'ouverture des portes ou le démarrage d'une voiture à distance. À l'aide d'un script en PHP, qui est le langage de programmation, qu'il a d'ailleurs mis à disposition des internautes, quand même, il a fait en sorte que le module reçoive les instructions communiquées à Siri. Il a ainsi réussi à ouvrir et fermer les portières de sa voiture, démarrer et éteindre le moteur, ouvrir le coffre ou encore déclencher son alarme. Tout ça simplement par la voix. Présenté il y a moins de 2 mois, Siri déchaîne déjà les passions. D'autres applications originales ont aussi été détournées par d'autres cracks de l'informatique, comme le contrôle du thermostat de sa maison, par exemple. Ces expériences laissent augurer de nombreuses applications pratiques par simple commande vocale dans la vie quotidienne. Évidemment, moi, ce que je pense, c'est que Apple va finir par voir tout ça et vont dire « Hey! Nouvelle version iPhone de l'iOS 14! » Vous offre maintenant la possibilité de changer votre thermostat avec votre voix. Très utile, premièrement. Ben oui, tout à fait. Évidemment. Revenons sur le Black Friday record pour Apple. Ça a bien été. Là, évidemment, on rappelle à ceux qui transfèrent les auditeurs de choix qui viennent vers C'est fou. On vous rappelle, c'est pas nouveau, le Black Friday, juste pour vous dire. C'est pas, ils ont découvert ça récemment à choix, je t'avais dit. Ouais. Ouais, Black Friday, c'est quoi ça? Ils vont nous acheter avec ça maintenant. La film de Cupertino a quadruplé ses ventes vendredi dernier, jour de solde massive à travers tous les États-Unis. Le Black Friday a été particulièrement faste pour les ventes de MacBook Air. Un responsable des ventes chez Apple a envoyé au site 9to5Mac un visuel des ventes du Black Friday, évidemment. Selon ces gens-là qui ont masqué les chiffres, Apple aurait quadruplé ses ventes ce jour-là et l'objectif prévu avait été atteint dès 19h. Même si les promotions concernaient la plupart des produits frappés Apple, c'est le MacBook Air qui aurait réalisé les plus beaux scores. Le Black Friday a profité au plus grand site marchand puisque Amazon a aussi battu des records et son Kindle a lui aussi quadruplé ses ventes vendredi dernier. Pourtant, les rabais n'étaient pas énormes. On parle, je crois que c'était comme 100$ par appareil chez Apple. Des deals qu'on peut avoir pas mal dans l'année. Si tu magasines comme faux, dans certaines boutiques, ils ont déjà des rabais. En tout cas, bref. Mais bon, les gens, ils capotent sur le Black Friday autant qu'on capote sur le Boxing Day. Hein. Ouais, ah. Moi, j'évite ça. À tout moi aussi, mais... oui, c'est sûr. Hey, perte de temps. Parlons de Twitter maintenant. On va parler de Twitter et de condom. Très beau mélange. Hein? Sur son compte Twitter en Afrique du Sud, le fabricant de préservatifs a publié une... là, on parle d'Urex, pardon. A publié une blague sexiste. Outrage. Après une vive réaction des internautes, la marque s'est confondue en excuses. Et je cite le tweet en particulier. Je vais prendre ma voix de condom. Pourquoi Dieu a-t-il donné un pénis aux hommes? Attention, je vais baisser le fond. Pourquoi Dieu a-t-il donné un pénis aux hommes? Oh! Pour qu'ils aient au moins un moyen de faire taire les femmes! Ouais. C'est un... Ouais, pas super. Ouais, mais c'est... Ouais, c'est une blague. Ouais, je sais bien, c'est ça. L'humour, hein, l'humour. Si c'est une blague, donc, d'assez mauvais goût, quand même. Mauvais goût étant peut-être un jeu de mots, en tout cas, bref. Avec bon, on passe au prochain sujet. Ça n'a pas fait rire les internautes qui suivent le compte Twitter de Durex SA, donc Durex Afrique du Sud. Si la campagne de communication basée sur les blagues a créé un buzz et leur a finalement apporté un scandale, la polémique a d'ailleurs été si importante que la marque a dû retirer tous les tweets du même genre, donc toutes les blagues Durex. Il faut dire que le sujet est ultra sensible. Rib for a pleasure. Oh, une blague de condom. Donc, en Afrique du Sud, où une femme sur trois est violée durant son existence. Bon, on fera pas de blague ici. Ouais. Un Sud-Africain sur quatre connaît également avoir commis au moins un viol au cours de sa vie. Ouais. Le groupe a donc présenté des excuses via plusieurs tweets et courriels. Un groupe féministe était monté au créneau au plus fort de la cybertempête. Il a appelé au boycott des produits de Durex. J'aime comment on peut mettre le mot cyber devant pas mal tout. Cybertempête. Bon. À la brasserie Licorne Québec... a fait la même douloureuse expérience de gestion des médias sociaux à la fin de l'été. Moi, je ne me rappelais pas du tout. Sous la pression des internautes, l'entreprise a dû retirer une blague sur la page Facebook de la bière Boris qu'elle brasse. Et là, je cite encore une fois, et celle-là est vraiment déplacée, mais je la cite. Là. L'alcool tue lentement, mais on s'en fout parce qu'on n'est pas pressé. Bravo, hein? Ouais. Ce statut Facebook extrait d'un livre du romancier français Georges Courteline. Oui, parfait, mais ça s'applique pas vraiment à de la bière, là. Hein? A suscité une réaction immédiate. Des dizaines d'internautes critiquent le statut en quelques secondes. Au lieu de s'expliquer ou de s'excuser, l'entreprise retire son statut et continue son humour avec un nouveau statut. Une tempête dans un verre de Boris. Hein, ils sont vraiment recherchés, eux autres. Ouais. Wow. Bref, allez voir l'article sur assemblagerequis.com si vous voulez plus de détails sur Boris. Moi, c'est plus de Durex que je voulais parler. Street View s'invite dans les locaux de Google. Tu sais, Google Street View, tu connais, c'est pour aller voir les maisons, aller espionner tes voisins, etc., etc. Donc, Google se prend à son propre jeu ou bien montre l'exemple en permettant aux internautes de visiter ses locaux de Mountain View par le biais de Street View. Excellente idée. Street View, qui s'était invité dans les magasins, dans les bibliothèques, les librairies, etc., il y a quelques mois, permet aux internautes de faire du lèche-vitrine sans quitter leur fauteuil de bureau, une initiative qui nécessite néanmoins l'accord des boutiques qui doivent solliciter la visite de Google pour réaliser des clichés de leurs locaux. Donc, hasard ou coïncidence, Google propose depuis quelques jours une visite de son campus de Mountain View par le biais de son service lié à Google Maps. L'extérieur a été exploré à l'aide du tricycle de Street View, tu sais, le petit tricycle avec une caméra. Et l'intérieur semble avoir bénéficié du même traitement que les premiers magasins qu'on pouvait visiter il y a quelques semaines, dont on parlait ici. Selon Sociable.co, le .co est à la mode de ces temps-ci. Hein? Je comprends pas vraiment l'intérêt de sauver une lettre. Moi non plus. C'est vraiment stupide, même que ça fait que moi, je le retiens pas autant. C'est comme notre adresse pour les foustaches pour Movember. Mobro.co. Portenable, ça. Bon, oblique, c'est fou. Mais bon. Allez-y, quand même, il reste pas grand temps. Faut aller donc. Selon Sociable.co qui a passé les images au crible, les plans extérieurs dateraient de 2009 et les images d'intérieur de l'été 2011. Bien évidemment, toutes les pièces de l'édifice ne sont pas proposées à la visite, mais il est tout de même possible de se faire une idée de la décoration et de remarquer quelques détails amusants comme les standardistes subtilement cachés derrière leur écran ou le passage d'un temps d'automne à un été splendide, comme si Google bénéficiait d'un magnifique microclimat. Et ben, c'est joli. Bien, un bel article de Cubic.com. L'Iran interdit, on passe en jeu vidéo, juste pour vous dire. L'Iran interdit Battlefield 3 à cause d'une attaque contre Téhéran. L'Iran a interdit le jeu vidéo américain à succès Battlefield 3 lancé en octobre et qui met en scène une attaque américaine contre Téhéran, selon un responsable de la police iranienne cité par un hebdomadaire spécialisé. Battlefield 3, produit par Electronic Arts, met notamment en scène une attaque aéroportée contre la capitale iranienne, incluant des opérations de blindés et d'avions de combat américains, les joueurs tenant le rôle de Marines participant à l'attaque. Je cite, tous les magasins d'informatique ont l'interdiction de vendre ce jeu illégal. C'est ce qu'a indiqué un responsable non identifié des services de renseignement de la police cité par l'hebdomadaire Acer Earthbot. La dernière version de Battlefield, série à succès du géant américain EA qui produit d'autres jeux mondialement connus comme FIFA ou SimCity, démarre à la frontière irano-irakienne où les forces américaines combattent une milice hostile. Selon EA, 5 millions d'exemplaires de Battlefield 3 ont été vendus dans la première semaine après sa mise en marché le 25 octobre. On dit que le jeu inclut des missions à Paris et New York avant de se terminer en assaut contre Téhéran dans un contexte de menace nucléaire selon divers sites Internet spécialisés dans les jeux vidéo. Sautons quelques petits bouts ici. Les États-Unis comme Israël ont affirmé à plusieurs reprises ces dernières années ne pas exclure une option militaire. Et c'est plate, ça? C'est plate, lire ça? C'est plate? Ouais. On s'en sert? Il y a une pétition en ligne contre Battlefield 3. Plusieurs milliers de jeunes Iraniens ont dénoncé un jeu qui, selon eux, a été volontairement mis sur le marché à un moment où les États-Unis poussent la communauté internationale à avoir peur de l'Iran. Reparlons de Kinect un petit peu. Kinect 2 qui va avoir des nouvelles options plutôt intéressantes. La prochaine version du système de détection de mouvement de Microsoft serait capable d'interpréter l'humeur d'un gamer. L'humeur. Le Kinect 2 est attendu avec la prochaine version de la Xbox. Trait du visage, rictus. C'est quoi un rictus? Un rictus. C'est pas un dinosaure? Rictus. Je crois que c'est quand tu ouvres la bouche très, très largement. Largement, je crois. Mais je suis pas certain. Peut-être juste un sourire. Aussi, intonation. Le prochain Kinect pourrait un peu plus révolutionner l'univers du jeu vidéo avec une première approche de la détection de l'humeur et des émotions. C'est ce qu'annonce une source proche du développement chez Microsoft à Eurogamer. Kinect 2 sera donc capable de retranscrire l'émotion ou l'humeur d'un joueur et pour cela, le boîtier intégrerait une large palette de différentes émotions, intonation de voix, mais aussi mouvement du visage pour mieux analyser ces deux joueurs. Pour parvenir à une telle précision, la bande passante de la Xbox 360 sera considérablement augmentée et dépasserait ainsi les 35 mégasecondes. Donc voilà, tu souris, ton personnage sourit, bonne idée ça. Ouais. On parlait aussi de reconnaissance vocale. Non, ça changera peut-être rien, mais dans un jeu où tu dois interagir avec quelqu'un en online, là, full online, USB. Ouais, mais tant qu'à ça, tu sais, à la limite, sortez donc des jeux. Non, mais. Ça, parlez-vous en vrai. Ouais. Non, mais sortez des jeux, tu sais, parce que c'est bien le fun, tu souris à l'écran, mais tu sais, ce que tu veux, c'est jouer avec ta Kinect. J'avoue. Et que t'es rabat-joie. Mais oui. Non, mais il y en a la pas tant que ça, de jeux. Là. Non, je sais, il n'y a pas tant de jeux que ça, mais t'sais, si à la sortie de la Xbox, mettons 3, là, mettons là, peu importe le nom qu'ils vont choisir, les choses vont avoir avancé, il va y en avoir beaucoup de jeux, là, Kinect, ça marche beaucoup. Donc peut-être qu'il y a d'avoir un bonhomme que tu peux sourire ou être fâché, ou que dépendant de ton émotion, le personnage se bouge différemment, peut-être qu'il va être plus dur à contrôler, plus mou, tu sais, un peu. Si, mettons, t'es triste, peut-être que tu as le dos courbé, t'es vraiment mou, peut-être que ça va être plus dur à faire jouer, peut-être ça va peut-être avoir un lien avec ton émotion, ton sentiment. Quand même, il va falloir qu'il y ait des jeux qui... Ouais, mais ça s'en vient, là, laisse les choses faire, là, Québec, ouais. Là, ça fait un petit bout que c'est sorti, mais quand même, il faut laisser les développeurs, ils pensaient peut-être pas qu'il y aurait autant de succès que ça, là. Ouais. Ah, je sais pas, j'essaie de les défendre en même temps, ça m'importe très peu, mais j'essaie de les défendre quand même. Kinect est loin d'être dans mes priorités de jeux vidéo, on va vous dire. On parle de la mise à jour de la 3DS légèrement repoussée. On vous avait parlé de ça un petit peu. La mise à jour du 3DS qui devait sortir à la fin du mois de novembre sera lancée un peu plus tard. Ça va être le 8 décembre prochain. Ça, c'est la mise à jour qui va permettre, entre autres, de faire de la vidéo 3D. Donc, la compagnie a besoin de ces jours supplémentaires afin de faire des tests internes. Non seulement les vidéos 3D, mais aussi avoir du nouveau contenu pour Street Pass Mi Plaza. Elle sera aussi utile pour transférer des jeux et des informations entre deux Nintendo 3DS. Voilà pour les jeux vidéo. Parlons maintenant. En fait, j'aurais pu faire cette nouvelle-là que je vais faire avant de parler de jeux vidéo, mais c'est pas grave, on y va dans l'ordre qui sont ici. Là. Le top 10 canadien 2011 des termes de recherche. Oh. Donc, la fin de l'année, c'est le moment des fêtes, des achats de Noël, mais également des bilans. Microsoft vient de faire le bilan des termes les plus recherchés via son moteur Bing. On peut consulter le détail des recherches les plus souvent effectuées sur l'article sur assemblagerequis.com. Au Canada, en 2011, le top 10 des personnalités les plus recherchées est le suivant. De 10 à 1 dans l'ordre. Kanye West. Au Canada. Là. Au Canada. Justin Bieber. Oh. Jennifer Lopez. Megan Fox. Lady Gaga. Jennifer Aniston, encore. Pippa Middleton. C'est la chose royale britannique, là. Britannique, mariage royal. Britney Spears. Deuxième, Lindsay Lohan. Et en première, c'est Kim Kardashian. Je comprends pas comment ça se fait que les gens cherchent Kim Kardashian. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? C'est qui, elle? Justement, c'est personne. C'est une vedette de télé-réalité, à la limite, là, tu sais. C'est comme une genre de Paris Hilton. Comment, Kim, quoi? Kardashian. K-A-R-D-A-S-H-I-A-N, ouais. Bonne chance. Ça va sûrement te le corriger sur Google, de toute façon. Du côté du top 10 des nouvelles les plus recherchées maintenant, encore une fois, 10e à la première en ordre, 10e anniversaire du 11 septembre, finale de la Coupe Stanley, un an de la tragédie d'Haïti, mort des joueurs de hockey Rick Ripien et Derek Bogard, 6e émeute de Vancouver, mort de Wade Belak, ouragan Irene, 3e mort d'Oussama Ben Laden, 2e tremblement de terre et tsunami au Japon, et première le mariage royal de William et Kate, encore une fois, ouh, fucking le top 10 des produits électroniques les plus recherchés maintenant. 10e position, MacBook Pro. Ensuite, 3D TV, Windows Phone 7, PlayStation, iPhone 4S, Wii, PS3, iPad, Xbox Kinect. Et en première position, c'est l'iPhone 5. Parce qu'évidemment, on ne savait pas encore que ce ne serait pas l'iPhone 5 qui sortirait. Hein? Tu disais? Tu l'as encore sur le cas. Oui, je sais. J'ai de la hargne. Intéressant de voir que l'iPhone 5 se retrouve en numéro 1 du top 10 des produits électroniques les plus recherchés, comme dit l'article. C'est ça, pas intéressant. Voilà pour le top des mots-clés les plus recherchés. Et on termine avec les nouveautés en magasin cette semaine parce qu'on est mardi. Pas mal, on va essayer d'en sauter une coupe, je pense. Hein? Vas-y donc. Ouais, il y en a beaucoup. On va sauter par-dessus les jeux PC ou très rapidement. Grotesque Tactics 2, Skydrift, Batman Arkham City, Cave Story Plus, Fritz Chess 13, Serious Sam 3, For the Awesome. C'est sûrement le nom du jeu. For the Awesome. C'est la lettre A comme 25 fois. Distant Worlds Legend et Afterfall Insanity. Sur Xbox 360, là où les gens veulent plus savoir peut-être. Karaoke Revolution Glee, volume 3. Tu sais la série Glee? Ouais. Volume 3. The King of Fighters 13 et la WWE 2012. Wow, ça c'est cool. Et que oui. Sur PlayStation 3, Tekken Hybrid. Ah, un nouveau Tekken. The King of Fighters 13 et la WWE aussi. Sur PlayStation Network maintenant, donc pas en CD mais, ou en DVD, mais bien sur la console avec le réseau. Learning with the Puyos Episode 2. Ça doit être un jeu pour enfants. Sur PSP, Corpse Party et Where is My Heart? Eh bien, sur Nintendo, ouais, je sais. Sur Nintendo Wii, The Legend of Zelda Skyward Sword. On attendait depuis tellement longtemps, c'est enfin sorti. Donc, ça sortait, je crois, c'était le 20 novembre. Donc, quand même, ça fait... Ils sont en retard, mais en tout cas, pas grave. Fishing Resort, je pense qu'on l'avait déjà mentionné, qui était déjà sorti, Zelda. Jimmy Johnson's Anything with an Engine. Ça a l'air vraiment le fun. C'est un genre de jeu de course. Tu peux le courser avec... Non, c'est... C'est avec genre... j'avais vu une publicité dans Nintendo Power de ça. Je pense que tu peux comme conduire un divan... c'est vraiment, vraiment génial. Des petits trains. Attends, je vois des photos, des captures d'écran. Ah, c'est ça, des tondeuses. Il y a tout là-dedans. Des Zamboni. Oh. C'est vraiment génial. Pour un jeu de course, évidemment. Oh, ouais. Encore une fois, dans ma liste de priorités, c'est tellement loin. Karaoke Revolution Glee, Power Rangers Samurai WWE, sur Nintendo WiiWare Big Bass Arcade, sur 3DS Carnival Games Wild West 3D, Sonic Generations et WWE All-Stars, sur Nintendo DS tout court, Power Rangers Samurai et Tsumiki Puzzle Game, et sur DSiWare, sur le système en ligne de la DSi, Battle of the Elements et Common Heroes. Ça, c'est selon Jouer.com, et sérieusement, leur liste de jeux en magasin cette semaine, Jouer.com, je trouve que c'est vraiment pas bon, parce qu'ils répètent les mêmes jeux 5 fois quand ils sortent sur plusieurs consoles. Mais bon, R-Gamers n'avait pas encore sorti leur liste. Que voulez-vous? Voilà pour la chronique CNX. On va terminer avec une pièce de chiptune. Et vous le savez, cette semaine, c'est... La semaine des chansons connues, mais version chiptune de Jean Stelcom. non. Oh oui, c'est la semaine. C'est la semaine. C'est la semaine, écoute, faut passer par là. C'est bon, on n'a pas le choix. Mais je me suis dit, les gens, le chiptune, c'est difficile d'approche des fois, donc pourquoi ne pas vous jouer les chansons que vous connaissez déjà, mais refaites en chiptune, tu sais. Ça va peut-être amener plus de gens à aimer ça. Et on va se faire ça une fois de temps en temps, parce que là, j'ai cherché un petit peu les affaires que je trouve bonnes. Et puis, il y en a pas mal, des covers de chiptune, donc pourquoi ne pas en entendre une fois de temps en temps. Aujourd'hui, c'est tel que promis, le jour où on écoute Metric en chiptune. Hein? Et pour faire encore plus geek que non seulement jouer du chiptune, en plus, on va jouer la chanson qui est sur la trame sonore du film Scott Pilgrim vs. The World, qui est Black Sheep. Alors voici Metric, mais pas vraiment, c'est plus Moose Bomber avec la pièce de Metric. Black Sheep. À CNX. Aujourd'hui, la Connexion CNX, bulletin geek pour la journée du 1er décembre, jeudi. Et on récapitule les 24 et autres 24, donc 48 dernières heures. À peu près. On commence avec des sous-vêtements propres dans l'espace. Oh, c'est le fun. Oui, c'est très pratique. Ben, c'est ça l'affaire. T'as besoin d'être confortable, tu sais. Ouais. Bon. Et propre. Peut-être que tu t'es déjà posé la question, comment les astronautes de la Station spatiale internationale font-ils pour laver leurs vêtements là-haut? Non. En fait, j'imagine qu'il y a une machine. Ben, justement, non, ils font pas tant que ça laver leurs vêtements. Ils peuvent porter les mêmes sous-vêtements pendant une bonne semaine et les autres vêtements encore plus longtemps. Afin de rendre leur habitat un peu plus hygiénique, la NASA a décidé de demander à UMPQUA Research, quoi? Quoi? De créer une machine à laver capable de fonctionner avec très, très, très peu d'eau sous gravité zéro. L'entreprise a soumis un modèle qui utilise des jets d'air, de la vapeur et des rayons micro-ondes pour nettoyer les vêtements. Si l'idée est retenue, les astronautes pourront enfin cesser de retourner leur vieux tissu sale par capsule inhabité qui brûle dans l'atmosphère et tenir des matinées de lessive collective à la place. Pourquoi? Ils faisaient brûler ça dans l'espace. C'est la matinée de lessive collective. Oui, ce matin. C'est on lave son linge en famille. reste à choisir un détergent à odeur de Guy Festif ou de Clémentine, demande l'article. Oh. Ah, eux, je sais pas où ils magasinent leur, leur chose. Moi, j'aime bien le savon à lessive là, à senteur de linge propre. Hein. C'est vraiment. Wow, c'est hein? C'est meilleur. C'est fort, ça, comme. Bon. Facebook augmente beaucoup le nombre de caractères dans les statuts. Okay. Ouais, Facebook vient d'annoncer l'augmentation conséquente du nombre de caractères autorisés dans la publication de statuts de 5000 signes autorisés en septembre. On passe alors à 63 206. De quoi écrire un véritable roman. Oui, capote. L'explication s'en vient sur le nombre de caractères. Donc, on est loin des 140 caractères autorisés par Twitter. En passant, le nombre de caractères autorisés de 5000 signes, qui est un chiffre déjà quand même assez gros, le célèbre réseau social ouvre un peu plus la porte au statut à rallonge, permettant aux utilisateurs de raconter leur vie avec encore plus de détails ou même d'écrire un véritable roman avec les statuts Facebook. Ça va être gros et laid sur le mur, ça. Hein? J'espère qu'il va y avoir des voir la suite quand ça dépasse un certain nombre de caractères. Le responsable du programme journaliste de Facebook a d'ailleurs précisé qu'un roman compte en moyenne 500 000 caractères, donc blablabla, les romanciers en herbe devront consacrer 9 mises à jour de statut. mais pourquoi 63 206? Bob Baldwin, ingénieur de Facebook, à l'origine de ce nombre, s'explique, et là c'est très technique, là. J'ai fixé cette limite exacte de manière très nerd. Facebook, face espace bout espace k égale x face k égale 64 206. Des affaires hexadécimales. Comprends, c'est extrêmement neutre, ça vaut même pas la peine d'y penser. Chiffre qui a néanmoins constamment évolué depuis la naissance de Facebook. Au départ, c'était 160 caractères. Ensuite, c'est passé à 420 en mars 2009, à 500 en juillet 2011, puis à 5000 en septembre dernier pour atteindre 63 203 cette semaine. On dit que tous les types de messages sont concernés, ce qui inclut les murs personnels, les pages de fans ou encore les messages postés sur les murs d'amis. Une vague de romans est donc à prévoir sur Facebook. En même temps, c'est aussi l'occasion de poster sa lettre du Père Noël. C'est lettre au Père Noël dans son intégralité, tous tes cadeaux. Wow! Wow! Juste en écrivant Call of Duty Modern Warfare 3, ça va déjà en dépasser pas mal. Des universitaires ont mis au point un logiciel capable de détecter automatiquement toutes les retouches effectuées par, par Photoshop ou d'autres logiciels de, oh, c'est hot, de photos. C'est très, très, très hot. Va voir les photos pour voir de quoi ça a l'air, cette affaire-là. Donc, ça se base sur plusieurs critères significatifs. Le programme est le fruit du travail de deux chercheurs du Dartmouth College, de Hanover, dans le New Hampshire, et disposerait d'une précision de 80% dans la détection d'éléments modifiés lors des clichés. Pour ce faire, le logiciel se base sur 8 critères permettant de déterminer si des modifications de géométrie, de couleur ou encore de texture ont été opérées dans un cliché donné comme une publicité présentant une personne un petit peu trop lisse. Annie Farid et Eric Key, les deux chercheurs à l'origine du projet, ont été motivés dans leur travail par les problèmes de société entraînés par la mise en avant d'une réalité déformée au nom du culte de la beauté. L'idée derrière le logiciel est de concevoir une échelle déterminant le degré de modification d'une photo et de la placer à côté de cette dernière. Le programme permettrait également, selon eux, de prévenir de la fraude dans les images à valeur scientifique. Tu sais, on disait dans les cours au cégep, etc., moi j'entendais tout le temps, si tu modifies quelque chose à plus que 30%, ça devient une nouvelle œuvre qui t'appartient, nanana. Si tu modifies la photo d'une personne, la personne t'appartient à Dieu. Écoute, peut-être dans tes rêves. Peut-être. L'étude des deux chercheurs, consultable sur Internet via assemblagerequis.com, expose la méthode de création de l'échelle de valeur. 350 bénévoles ont été sollicités pour comparer 450 paires de photos, l'original et la modifiée, auxquelles ils ont attribué des notes de 1 pour très similaires et jusqu'à 5 très différentes. Farid et Key se sont ensuite basés sur ces jugements humains pour concevoir un algorithme d'apprentissage pour que leur programme détermine lui-même de façon automatique la notation d'une photo. Ça nous dit que pour le moment, uniquement dédié aux photos mettant en scène des personnes, le logiciel pourrait être adapté à d'autres contextes selon ses créateurs pour éviter la falsification de clichés dans d'autres domaines. Par exemple, peut-être, je sais pas, on a tout le temps entendu parler des controverses de photos modifiées par des journalistes dans les journaux américains, tu sais, qui rajoutaient de la fumée autour d'une bâtisse ou qu'il y avait un avion, puis là, il approchait des gens pour que ça ait l'air plus violent, ou des trucs comme ça. Ils font souvent ça, puis les gens se font sacrer dehors. Peut-être que ce logiciel-là pourrait être appliqué sur toutes les photos des journaux, et là, il n'y aurait plus jamais de copiage. Peut-être. Ou de, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Les écoles québécoises seront équipées de tableaux interactifs. Mm-hmm. Oui, la firme informatique EBR a été sélectionnée pour fournir et installer les tableaux blancs interactifs dans les écoles québécoises. La PME de Québec se voit octroyer un contrat de 3 ans qui entrera en vigueur aujourd'hui. Le mandat découle d'un appel d'offres suite à l'annonce du gouvernement du Québec en mars 2011 d'injecter 240 millions de dollars afin d'équiper les classes d'ici les 5 prochaines années. L'annonce qui a été faite par Jean Charest. Joint par téléphone mercredi, le président cofondateur d'informatique EBR, Mohamed El-Kayat, a déclaré qu'il estime que l'entreprise pourra équiper 6 000 classes par année au coût de 20 millions de dollars annuellement. Informatique EBR offrira une formation de base aux enseignants, mais ce sera à chaque commission scolaire de voir jusqu'où pousser l'utilisation de cet équipement. Mohamed El-Kayat croit que 25 % des classes sont déjà équipées de ça et qu'à l'intérieur des commissions scolaires Marguerite Bourgeois et Beau-Sept-Chemin, avec lesquelles la PME a travaillé, la proportion augmente à 65 % Le président cofondateur a détaillé l'appel d'offres du tableau blanc interactif super plate. Mais il y en a déjà. Ouais, ben je savais même pas, moi, mais là, il va y en avoir plus encore. Mais il y en a quand même beaucoup, en fait. Ouais, ce que ma copine m'a dit, là, ça existe déjà. Et puis, je sais que ça fonctionne. Il y a une application aussi pour... iPhone? Ouais, pour iPhone, iPad, ce truc-là. Tu restes chez vous, puis t'enseignes des affaires sur ton tableau blanc. Là, ben non, mais je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça a l'air d'être bien fait, là. C'est ce que je me suis fait dire. J'aime ça, j'aurais aimé ça avoir ça dans le temps. Votre iPhone serait-il contre l'avortement? Le programme Siri installé sur l'iPhone qui permet aux Américains de faire des recherches et des demandes sur toutes sortes de sujets avec leur voix refuse toutefois de leur indiquer où se trouve la clinique d'avortement la plus près. Ouais, Megan Carpentier de Rawstory.com a étudié le degré de fiabilité du programme Siri lorsqu'il s'agit de trouver des cliniques d'avortement ou des contraceptifs et a découvert que non seulement c'est pas possible, mais que le service se met presque à donner des conseils de moralité. Bon. Par exemple, lorsqu'on a demandé où l'on pourrait subir un avortement à Washington, Siri a recommandé des centres anti-avortement sans faire mention de la clinique locale de planification des naissances. Au New Yorkais qui recherche une clinique d'avortement, le programme Siri répond, et je cite, « Je n'ai trouvé aucune clinique d'avortement », alors que c'est complètement faux si on cherche sur Google. Apple n'a pas répondu à la demande de l'agence QMI, hein, pas commenté. On ignore si l'information manquante est un problème technique ou une tentative délibérée d'éviter la controverse de la part d'Apple. Étrange. Artiste de branchez-vous maintenant, depuis son téléphone Android et seulement Android pour le moment, Google Maps s'était récemment enrichi d'une fonctionnalité supplémentaire, celle d'explorer l'intérieur des commerces et restaurants. On avait parlé plusieurs fois. Désormais, les aéroports, comme la barre de chocolat, comme un cochon. Bon. Et des centres commerciaux sont aussi concernés. Grâce à un partenariat avec des centres commerciaux et des aéroports, le géant californien compte s'ouvrir à encore plus de possibilités d'exploration. Avec un système de repérage et d'orientation, les utilisateurs de téléphones intelligents sous Android pourront se repérer dans les aéroports et les principaux centres commerciaux américains et japonais avec un plan détaillé à l'intérieur du bâtiment. Tu sais, quand t'arrives dans un centre commercial gigantesque et que t'as genre un petit panneau d'information à chaque quelques kilomètres et que tu dois chercher des sous-symboles, de catégories, de numéros puis de lettres, puis là... Il y allait avec tes mains pour essayer de faire un genre de 90 degrés, puis essayer de trouver, bon, le numéro 342, ça veut dire que t'as le magasin. Là, il est à côté de quel autre? Il est à côté du 340, il va falloir chercher dans la liste alphabétique, c'est compliqué. Fait qu'avec ton téléphone Android, tu vas pouvoir facilement te retrouver, taper où tu veux aller, ça va dire tourne à droite, tourne à gauche, c'est un GPS. C'est super. Tu trouves pas? Ouais. À l'aéroport, même chose, j'imagine, mais je suis jamais allé. J'imagine que c'est énorme, cette affaire-là. Ouais, jamais. Gate numéro Gate 22, hein. Ça c'est Pascal Picard, hein? Ouais, exact. C'est ça. Un plongeur retrouve le propriétaire d'un appareil photo perdu en mer grâce à Google Plus. Ce Canon EOS 1000D a passé pas moins d'une année au fin fond de l'océan Pacifique avant d'être trouvé par un plongeur qui a pu identifier son propriétaire. Alors qu'il était en plongée à Deep Bay en Colombie-Britannique, Marcus Thompson trouve au fond de l'eau un appareil photo. Il enlève la carte SD de l'appareil totalement corrodée par l'eau de mer et celle-ci marche miraculeusement. Wow. Il trouve ainsi une cinquantaine de photos d'un pompier de la Colombie-Britannique avec sa famille. Il décide alors de poster sur Google Plus quelques photos de l'appareil avec tous les indices qu'il a pu trouver. Son message sur Google Plus est alors repris par plus d'un millier de fois, voilà, par les internautes, jusqu'à ce que finalement quelqu'un connaisse le propriétaire et le contacte par courriel. Marcus Thompson note également qu'il a aussi posté l'information sur Facebook, mais qu'il n'a récolté que des j'aime. C'est ça l'affaire, Facebook, c'est fait pour les paresseux, tu sais, pour vrai, là. C'est comme, ah, j'arrive, bon, j'aime. Tu sais, mettons, quelqu'un que tu connais, un enfant, tu fais juste j'aime. C'est même plus genre, hey, félicitations, tu sais, puis t'appelles pour prendre des informations, c'est j'aime. Ouais. C'est tout. That's it. Donc voilà, appareil photo retrouvé grâce à Google+. Allons-y rapidement. Je vais vous laisser lire l'article si ça vous intéresse. Le cerveau des amateurs de jeux sur ordinateur est différent. On dit que le cerveau des adolescents qui jouent régulièrement à des jeux sur ordinateur serait différent de celui des joueurs occasionnels, selon une étude menée par une équipe internationale de chercheurs. Le magazine GamePro est mort. Je le lisais pas, mais quand même, c'est un des gros magazines, un des derniers magazines des années 90 à couvrir les jeux vidéo aux États-Unis. Et mort, Industry Gamers a appris que l'édition de novembre 2011 sera la toute dernière. Ah, ouais? Ouais. Né en mai 89, GamePro a été un des leaders dans les années 90 en compagnie de Electronic Gaming Monthly, EGM. La décision a été prise parce que les revenus publicitaires ne sont plus au rendez-vous. Le site en ligne GamePro va aussi fermer ses portes. Des fois, quand un magazine ou un journal sort, au moins, ils vont au moins finir en ligne. C'est un genre de blog, t'sais. Ben, à mode de blog. Ils vont fermer les portes du site aussi le 6 décembre. À partir de cette date, le site redirigera vers celui de PC World, magazine sur les ordinateurs, donc vraiment pas le même domaine que les jeux vidéo, mais sûrement par la même compagnie. Hein. Et on termine avec, avec un article sur la pause pipi interactive. La pause pipi interactive. Exactement. Donc, t'as un écran devant toi. C'est exactement ça. Mmh. Depuis que Sega a lancé le mouvement des jeux pipi au Japon avec Toiretsu. Je crois que les R en, au Japon, c'est peut-être des L comme Toiletsu. Je crois, mais bon. Ça se peut. Un jeu pratiqué aux toilettes est basé sur la puissance du jet d'urine. D'autres compagnies ont décidé de tenter leur chance sur le même créneau. C'est le cas de Captive Media qui présente un dispositif un peu plus sophistiqué permettant de jouer avec la direction du jet. Prévu pour embellir les urinoirs de lieux publics anglais comme les bars, la borne se présente sur la forme d'un écran placé sur le mur en face du joueur et de capteurs infrarouges directement dans le bois, dans le bol de l'urinoir. Pour le moment, seulement 3 jeux sont prévus et je cite les jeux. Attention, oreilles sensibles. Clever Dick, un questionnaire où il faut répondre par vrai ou faux. On the Piste. Une descente de ski dans laquelle il faut éviter les embûches en zigzagant de droite à gauche et un casse-brique classique, un genre de arcanoïde. Donc, tous les jeux se manipulent exactement de la même façon en faisant pipi sur la gauche ou la droite, tandis qu'un système permet de récupérer son score sur son téléphone portable pour pouvoir se vanter chez avec ses amis. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, de nets progrès de propreté sont constatés dans les toilettes. Ben, c'est sûr, accueillant déjà les fameuses bornes. À croire que la motivation du high score aide les joueurs à viser correctement. Mais c'est clair, si t'as un but à atteindre, c'est sûr que tu vas faire pipi au bon endroit. Tu sais, quand tu vas essayer, en tout cas. Tu vas freestyle, hands freestyle. Free, regarde maman, pas de main. Les yeux fermés. En fait, regarde pas maman. Faut aller voir la vidéo de Clever Dick sur assemblagerequis.com dans l'article Captive Media, la pause pipi interactive. Toiletto. Voilà pour Cynix. Cynix, ou comme je l'appelle, Cynix. Des fois. Ouais. Pas vraiment. Cynix. Cynix. Cynix. Vous êtes tous des sneakers. Des sneakers. Ouais, des souliers. Des souliers. Sneakers. Sneakers. Exactement. Mathieu Plante, le grand sportif. C'est très ironique, par exemple, d'appeler ouais. ça. Ouais, tout à fait. OK. Ça marche pas du tout. On se quitte avec du chiptune et cette semaine, je le répète, c'est la semaine des chansons connues. Version chiptune. Ou en tout cas, au moins artiste connu dans l'underground alternatif indie rock full c'est fou dash dans le ghetto. Mm. Aujourd'hui, on va entendre du OK Go. Avec la pièce White Knuckles. Oh! White Knuckles. Mais c'est sa version Big Robot Remix. Et c'est une chanson upbeat 80s, genre 80, full en jouet. Rencontre. Mais ça se ressemble, ouais? Oui, ça se ressemble quand même. Tu détectes quand même. Ouais. C'est mixé avec un petit peu de chiptune, mais sérieusement, pour entendre le chiptune, c'est comme plus à l'arrière-plan, les petits blou, blou, blou, blou. Vous allez les entendre, mais ils sont pas tant présents. Mélangé avec de l'électro-pop. Donc c'est vraiment comme 3, 4, 5 styles de musique différents. Style, non, masculin, c'est des styles. C'est la musique différente, je pense. Alors, OK, go. White Knuckles, Big Robot, Remix, 89 FM. C'est cool. You never get that taste out of your mouth. You never get the paw print out of the hen house now. And you can't go back, same way you came. Round all the pieces up, but they just don't fit the same. White knuckles, maybe it's not so bad. So let your head down now. White knuckles, yeah, maybe it's not so bad. I'll go ahead and let it down. So go and let it all out, let it bleed. Did you get what you want? Did you get what you need? I'm behind the line, behind the wall. Tell me, what's the bed you make? Really that bad after all? White knuckles, Yeah, maybe it's not so bad. So let your head down now, what's up, girls? Oh, maybe it's not so bad. So let it all come down. No, no, no, no. Yeah, maybe it's not so bad. So let your head down now, white knuckles. Oh, maybe it's not so bad. Just how far is far enough? Everybody needs to sleep at night. Everybody needs a crutch, but couldn't good be good enough? 'Cause nothing ever doesn't change. Nothing changes much. Yeah, maybe it's not so bad. So let your head down now. Oh, maybe it's not so bad. Just let it all come down now. Yeah, maybe it's not so bad. Just let your head come down now. Oh, maybe it's not so bad. Just let it all come down. Arrête de danser. Celle-là est bonne, hein? Ouais, bon. Tu l'as aimé, celle-là? Ouais. Okay, ça sonne moins chiptunes, un peu, comme tu l'as dit. Là. C'est très subtil à l'arrière. Ouais, c'est vraiment très subtil. Allez la réécouter sur assemblagerequis.com. Les bloop bloop sont là, mais c'est ça. J'étais pas sûr de vouloir la mettre parce que c'est pas tant chiptune, mais celle-là, un petit peu. Mm. Donc, OK Go, White Knuckles de Big Robot Remix. C'est gagnant, ça, du concours de Indaba pour les remixes de OK Go. Il y avait un concours, il y a quelques, je crois, années de ça sur indebamusic.com. Le gagnant, Big Robot, qui a gagné, dans le fond, sa chanson dans le jeu Rock Band 3. Une copie du jeu Rock Band. Robin? Rock Band. Rock Band. Rock Band. Et des instruments Rock Band et une console Xbox 360. Donc, c'est le grand gagnant de ce concours-là. The Big Robot. Voilà qui termine notre émission de CNX.Z. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que ces chroniques proviennent d'Assemblage Requis, diffusées du lundi au jeudi entre 7h et 9h. Assez fou. Vous pouvez retrouver les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. C'était Mathieu Plante et je vous retrouve la semaine prochaine, jeudi à 10h. On rappelle dimanche à midi. Passez une excellente semaine. À bientôt. Dash.com.